Le Palais des sciences et techniques va abriter du 22 au 26 juin l'exposition internationale de produits pour la santé et d'instruments médicaux à usage domestique de Pyongyang, où participeront une centaine de formations de divers pays et régions, y compris la République populaire démocratique de Corée, avec les aliments et les produits pour la santé, les médicaments efficaces, les instruments médicaux à usage domestique pour le diagnostic, la thérapeutique et la prévention. Dans le cadre de l'exposition, seront organisés aussi un colloque, une circulation des produits intellectuels et la vente des produits exposés.